Alors, mardi 3 décembre 2014, c'est Jean-Pierre Gay avec vous pour l'Aérospatiale, une émission qui vous est présentée à chaque semaine par CKRL et qui traite des arts visuels. C'est Jean-Pierre Gay, oui, je suis ici comme par accident. En fait, je remplace Julie qui sera de retour la semaine prochaine. Et donc, ce soir, c'est avec encore un grand plaisir que je suis avec vous. Nous aurons, dans un premier temps, Alex Lemay, qui est qui est au cœur de la galerie Morgan Bridge ici et qui va nous parler d'atelier sur le graffiti, sur les graphes, qui va nous démêler un peu ça. Nous recevrons en deuxième demi-heure Claude Bélanger, qui est de la Manif d'art, qui va nous parler des prix Videré en art visuel et aussi de quelques autres informations qui concernent la Manif et la chronique de Fanny, dont j'oublie le nom, mais qui va nous parler de Paul Waldé, qui est à la Galerie des Arts Visuels. À la musique, on a Simon Roy. Ben, Simon, est-ce qu'il est en onde actuellement? Ah, alors, Simon, bonsoir. Bonsoir. Alors, tu vois, on va parler ce soir d'un artiste, j'imagine, d'origine asiatique. J'en ai aucune idée, Jean-Pierre. C'est un artiste qui est totalement absent des internets. Donc, j'ai tenté de fouiller, de creuser. Même l'étiquette sur laquelle il est publié ne pouvait pas me donner plus d'informations à propos du type. Donc, c'est assez mystérieux. Cheon Kim. Donc, je présume que c'est peut-être sud-coréen. Mm-hmm. On va y aller comme ça. C'est son album « Eat Dogs, Drink Cats ». Donc, c'est sur l'étiquette italienne Mav Records. C'est de la musique électronique expérimentale. Ça sonne psychédélique et ou industriel. C'est assez rétro-futuriste. Un album vraiment intriguant. J'invite les auditeurs à télécharger l'album mm-hmm. en se rendant sur le blog de l'aérospatiale. Mais dis-moi donc, Simon, si tu connais pas le bonhomme, comment tu as réussi à le découvrir? Ah, c'est via l'étiquette Mav Records. Ils ont plein de trucs vraiment intéressants. Puis c'est en même temps dans leur catalogue que j'ai découvert cet album-là. Donc, ça a été ma façon de découvrir cet artiste-là. Est-ce que c'est un auteur qui est prolifique? Est-ce qu'il y a beaucoup de j'allais dire, de disques? Là? J'ai un peu vu le jeu. Je crois qu'il y a trois albums à son actif. Mm-hmm. Pas tout sur la même étiquette, c'est un peu il est publié un peu partout, donc ça brouille encore plus les pistes. Je crois qu'il désire pas se faire retrouver. C'est peut-être un artiste de la Corée du Nord, ça arrive souvent qu'ils veulent pas être identifiés, donc mm-hmm. Ça pourrait être ça aussi. Ben écoute, Simon, merci beaucoup de nous faire découvrir ce bonhomme-là qui est un illustre inconnu. Donc mais au moins on va écouter sa musique, son. La première pièce, elle est tirée donc du disque qui s'intitule Eat Dogs, Drink Cats, manger les chiens, buvez les chats. Voici la première pièce dont le titre est très évocateur, LV. Thank you. Alors, c'était donc Cheon Kim. On espérait Raymond Poirier qui nous ferait la revue de presse, mais comme toujours, Raymond, il nous envoie ses documents à l'avance. Alors, on va comme un peu suppléer. Alors, quelques articles dont Raymond voulait nous faire part. D'abord, un premier article qu'il a trouvé, je ne me rappelle plus où, c'est l'Observatoire de la culture et des communications qui dévoile les statistiques sur les acquisitions d'œuvres d'art faites par les institutions en 2012-2013. C'est un article qui date du 25 novembre et qui dit effectivement que les œuvres d'art faites par les institutions, donc il parle de ça, et ça dit que les musées, les entreprises et autres institutions qui possèdent une collection d'art ont acheté pour 11 millions de dollars, 11,6 millions de dollars d'œuvres d'art, ce qui est supérieur à la dépense annuelle moyenne des 5 dernières années, qui était de 6,7 millions. Alors, ce que le texte nous dit, c'est que pour ce qui est des musées, ben eux... dans ce montant-là de 11 millions, leur participation, elle est de 1 million, c'est-à-dire le plus bas niveau d'acquisition des musées au cours des 12 dernières années. Il faut savoir que les musées n'ont pas de budget d'acquisition, n'ont plus de budget d'acquisition aussi peu. 1 million, c'est quand même pas beaucoup. Et que, dans le fond, ce que les musées ont adopté comme politique, c'est de se faire des prêts, des dons, ce qui n'est pas toujours nécessairement dans la stratégie d'un musée. Alors, et ce montant-là, justement, des dons, ce même article nous dit qu'il représente une valeur totale de 37,9 millions. Un autre sujet dont Raymond voulait nous parler, écoutez, attendez un peu, je le retrouve. Le Musée des beaux-arts de Montréal, qui revendique un volet social, au cours des prochaines années, le Musée des beaux-arts de Montréal va consacrer 300 000 $ par année pendant 5 ans. Et ça, ça vient de la part de Bell Canada, une commandite de Bell Canada, notamment pour augmenter l'offre éducative, non, non pas culturelle, parce que c'est forcément culturel, c'est un musée, l'offre éducative et socio-communautaire de son programme Le Musée en partage. Alors, ceci va permettre notamment au futur pavillon d'offrir des nouvelles activités, notamment en art-thérapie, ce qui est une première mondiale, selon un texte qui a été publié par... j'ai pas la source, là. C'est Raymond qui devait nous la donner, mais j'ai pas la source. Ah, c'est La Presse. C'est un article de Éric Clément dans La Presse. En fait, et enfin, on vous pourrait parler d'une œuvre d'art qui s'intitule Minecraft, qui est un jeu de construction, que moi je ne connais pas. Là. On reconnaît facilement le décalage entre les générations. Moi, c'est un jeu de construction que je ne connais pas, mais qui va faire son introduction au Tate Museum de Londres, c'est ce qui est pas banal. Donc, je ne sais pas comment ça va se traduire, mais c'était un thème dont Raymond voulait nous parler et que, malheureusement, j'ai pas beaucoup de lignes pour vous en dire plus que ce que je vous dis là. Alors, on va aller en pause tout de suite. On va continuer, avec notre ami Cheon Kim, tiré de son disque Eat Dogs, Drink Cats. Voici la pièce Welcome. Et tout de suite au retour, nous recevrons Alex Lemay de la galerie Morgan Bridge, et qui est une galerie vraiment fort intéressante ici à Québec et alternative. Alex Lemay, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Salut, ça fait plaisir, ça fait un bout de temps qu'on s'est vus, nous. On s'était déjà rencontrés ici à ce micro dans le temps où j'animais l'aérospatiale. Je rappelle que tu es directeur de la galerie Morgan Bridge. Ouais, qui a récemment fermé par contre. On a transformé nos activités. Mais c'est toujours situé sur Dupont. Au 367 rue Dupont. Ouais. OK. Ce pourquoi j'ai pensé t'inviter, c'est que je passais vis-à-vis la galerie, puis j'ai vu qu'il y avait des ateliers qui se tenaient. Il y avait un paquet de jeunes, je ne sais pas trop de quel niveau d'école, qui étaient là, puis qui avaient l'air à faire des affaires. Fait que là, je t'ai appelé, puis je disais, hey, Alex, qu'est-ce que vous faites chez vous? On reçoit des groupes d'ados d'écoles secondaires de la région qui viennent faire une activité de peinture, puis de reconnaissance, puis de sur le graffiti à Québec. Mm-hmm. Donc, ils viennent passer deux heures et demie avec nous. On va voir ce qui se passe en graffiti dans Saint-Roch, là. Puis on va à l'île aux Fleuries, mm-hmm. où tous les graffitis sont concentrés. Puis on a une belle diversité. Puis on peut leur expliquer qu'est-ce que le graffiti, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Leur montrer en gros les styles. Puis ensuite, ils reviennent à la galerie faire une activité de peinture, dessin sur casquette. Puis après, ils repartent à la maison avec leur dessin. Avec leur dessin sur leur casquette. Donc, c'est pas un graffiti qu'ils font chez vous, là. C'est un graphe qu'ils font sur une casquette. Oui, c'est ça. Donc, ils peuvent porter leur propre graphe. C'est assez particulier parce qu'habituellement, les graffitis... En tout cas, je connais pas cette culture-là du graffiti, mais le graffiti, ça m'a l'air de quelque chose qui est un peu marginal, que tu fais sur un endroit comme pour mettre ta signature, mais que tu portes pas sur toi, là. Au début, dans l'histoire du hip-hop, si on veut, mm-hmm. On le voit beaucoup, les rappeurs, les breakdancers, porter des vêtements décorés. Ils ont un graffeur dans leur crew, puis c'est lui qui fait les designs pour souvent les jackets de jeans, mm-hmm. ou les souliers même qui étaient peints, puis souvent les casquettes. Ouais. OK, donc c'est comme j'allais dire, tantôt, c'est un conflit de génération. Moi, c'est un univers que je connais pas, que je connais pas. Je peux pas dire que je le connais pas parce que je suis entouré, moi, où je demeure, je suis entouré de graffitis, je suis entouré de murales. Je sais plus trop si c'est des tags, si c'est des graffitis, si c'est... Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la murale. Il y a, comment il s'appelle, Rubens, qui a fait une magnifique murale à côté de chez moi, en fait. Mm. Mais il y a aussi, sur la maison... une manière de graffiti bizarroïde qui je sais pas trop ce qu'il veut dire puis ce qu'il fait là, mais ça a été probablement un défi pour ceux qui l'ont fait que de passer par-dessus la clôture parce qu'ils doivent passer sur un toit pour pouvoir accéder au mur. Cet endroit-là sur la côte d'Abraham qui est juste au-dessus des escaliers à côté de l'ancienne église. C'est un endroit qui a beaucoup de graffiti. Donc, il y avait cette murale-là qui attirait l'attention. Fait que c'est sûr que le mur qui est en arrière est un endroit propice pour une nouvelle pièce pour s'afficher. Donc, c'est de l'affichage sauvage. Puis, donc, c'est pour ça que rapidement, il est allé faire ce qu'on appelle un flop, qui est un lettrage... pas en trois dimensions, mais qui est une lettre gonflée, si on peut dire, arrondie, mm-hmm. puis qui se peint rapidement, qui se remplit surtout facilement. Oui, probablement, parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même un cadre autour de ça, mm-hmm. puis il y a de la peinture qui a été mise en aérosol rapidement, puis ça a pas ça. Je ne sais pas combien de temps que ça l'a repris pour faire ça, ou ça lui a pris. Mais un beau matin, quand je suis sorti de chez moi, j'ai vu ça sur le mur. J'ai dit, ah mon Dieu, ils ont fait ça, puis j'ai rien entendu. Surprise. Fait que c'est ça qu'on fait avec les kids, avec les ados. C'est qu'on démystifie qu'est-ce qui est quoi dans le graffiti, qu'est-ce qui est comme ça, ce type de vandalisme-là qui est un flop, en français qu'on mm-hmm. l'appelle. Puis, donc ça, c'est du vandalisme. Puis là, on présente la murale qui est en dessous, qui est un travail qui a été fait pour effacer les autres graffitis qui mm-hmm. étaient là. Au lieu de tout simplement les effacer, on a donné de la visibilité à des artistes pour pouvoir faire une murale. Mais Alex, curieusement, la murale, puis celle dont on parle, celle de Peter Rubens, je pense qu'il s'est... Ruben Peter Finley. Ruben Peter Finley, c'est vrai. Oui. Cette murale-là, elle n'a pas été graffitée. Non, ben ça a été long. En fait, ce qui est arrivé avec ce bout de mur-là, c'est que Ruben, dans l'illégalité, avait été peindre trois visages sur ce mur. Trois puis, fois la même tête, qui montait la côte, puis qui disait à la fin, arrêtez-moi quelqu'un. Là. C'est ça. Donc, il a même, tu sais, il n'en croyait pas ses yeux. Même la police est arrêtée, puis lui a dit, ah, c'est beau ce que tu fais. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il avait écrit, arrêtez-moi quelqu'un. Puis ça a pris quelques années avant qu'il y ait d'autres graffitis qui soient par-dessus, parce que les gens respectaient ce geste qui avait été bien fait. Mm-hmm. Puis, surtout dans l'illégalité, donc son milieu... respectait ce geste-là. Ça veut dire que les crafteurs savaient que c'était Ruben qui avait fait ça. Oui, tu sais, dans le milieu, les gens se connaissent. Il y a une signature, puis les gens se reconnaissent. Puis ça a été long. Donc, puis ensuite, il y a Mireille Bouchard qui est revenue pour faire deux autres visages par-dessus, parce que là, après quelques années, bon, même le milieu se tanne, puis il a envie de voir d'autres choses. Donc, naturellement, il y a des tags qui vont se faire par-dessus. Ouais. Je dirais pas juste le milieu, là. Même nous autres, même. Moi, j'étais content. Quand j'ai vu arriver d'autres affaires par-dessus, je disais, ah, c'était original. C'est ça, ils ont pensé à ça. Fait que là, c'est ça. Il y a des tags qui se font par-dessus les choses qui ont été faites de qualité. Puis, ben, ça amène à ce qu'il y a une rotation. Puis là, c'est Mireille qui est venue faire un personnage, je pense que c'est deux Amérindiens. Mm-hmm. Puis, bon, ça doit faire un an ou deux que c'est là présentement. Puis, sûrement que ce printemps, ben, il va y avoir quelqu'un d'autre qui va passer, qui va vandaliser. Puis, ça va amener à faire un nouveau projet par-dessus. Donc, dans vos ateliers que vous donnez à Morgan Bridge, vous faites faire peut-être le tour de... Je ne sais pas si vous venez jusque chez nous, mais vous faites le tour un peu de c'est quoi les graphes, c'est quoi... Qu'est-ce qui est ce qui est légal, qu'est-ce qui est bien, comment, qu'est-ce qui est mal. Comment on appelle ça légal là-dedans? C'est le graffiti légal, c'est la murale. OK. Oui, par exemple, celle qui est sur quartier, le long du mur là, de l'édifice là, où il y avait une station de service. Oui, disons. Où Ex-Muro, avec le musée, a fait... C'est ça. Et là, c'est vraiment institutionnel, parce que quand on parle d'Ex-Muro, Ex-Muro, c'est un organisme qui est reconnu dans le milieu de la culture à Québec. Ils ont d'ailleurs gagné un prix encore dernièrement. Mm-hmm. Puis, c'est comme... une patente qui a le droit de faire ça. Alors que comme Ruben, ce qu'il a fait chez nous, c'était pas nécessairement autorisé. On s'approprie des environnements, puis souvent, ben, on essaie de bien les choisir. Le monde dans le milieu, c'est sûr qu'il y a des trucs très vandales qui vont être faits, puis ça, c'est dommage, parce que ça détériore les quartiers, si on veut, mm-hmm. mais ça reste... Ben, écoute, quand on est dans une grande ville, tu sais, que tu vas à New York, tu vas à Chicago, tu vas à Paris, dans les grandes villes, t'en retrouves partout de ça. Il y a comme quelque chose d'extrêmement urbain là-dedans. C'est sûr que Québec, on dit toujours que c'est un gros village, puis qu'on voudrait qu'à Québec, on veut s'assumer comme une grande ville, mais en même temps, on voudrait que tout soit propre, clean cut, que tout soit cool, puis qu'il n'y a pas une tache nulle part. Or, c'est pas possible à Québec. Il y a aussi l'idée de la grande ville, il y a aussi les comportements qui vont avec les grandes villes, la délinquance, bon, les mauvais coups, puis tout ça. Ça fait partie de ça. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Puis les jeunes qui grandissent dans la ville ont envie de ça aussi. Ils ont envie de faire leur marque. Ils le voient ailleurs, qu'est-ce qui se passe. Puis ils ont envie de se garocher sur des surfaces comme le mur mm-hmm. dont tu me parlais, qui sont attrayants parce qu'ils ils fouettent au soleil. Oui, c'est sûr que le mur chez moi, il est particulièrement très, très bien placé, là, mm-hmm. parce qu'on peut le voir autant de la côte d'Abraham que de la côte Saint-Augustin, là justement. Donc, tu dis que les jeunes, pour eux autres, c'est important. Ça fait partie de leur manière de s'affirmer. C'est important pour eux autres? Bien, dans le graphe, ça devient une manière de le faire. C'est ça qu'on essaie de faire comprendre aux ados, c'est une façon de faire, mais il y a aussi la partie légale. Fait qu'on essaie de faire la part des choses avec eux autres. Puis, c'est là. Mais quand tu me parles de la portion légale, à quoi tu fais référence? Tu fais référence à quelque chose qui... Il y aurait une démarche où, par exemple, ils iraient voir la personne. Écoutez, vous avez un beau mur, on aimerait ça pouvoir faire du graphe sur votre mur. Êtes-vous contente avec ça? Exactement. Oui. Bien, en fait, la portion légale, ça commence avec les villes qui dédient des endroits où ça peut se faire. Le mur sur quartier, par exemple, c'est un exemple de ça. Oui, avant ce qui a été fait là, c'est une entente avec le propriétaire, puis justement encore Ruben qui avait fait les démarches pour pouvoir créer un événement là, parce que c'était vraiment un bel espace. Mm-hmm. Ensuite, il y a sous les bretelles de l'autoroute, où depuis 1996, c'est un endroit toléré. Puis sinon, ben c'est ça, c'est aux artistes de faire des démarches auprès des propriétaires de murs pour... Mais toi, personnellement, quand tu vois, quand tu me parles de sous les bretelles des autoroutes, puis ça, moi, pour le fréquenter régulièrement, quand je m'en vais vers le marché du Vieux-Port, je passe par là, puis je suis toujours très impressionné de voir comment ces interventions-là artistiques, parce qu'on parle d'art, là, je pense, là-dedans, on est dans des gestes gratuits, dans des gestes qui amène une valeur ajoutée à ces milieux-là. Moi, je suis très impressionné par ça. Puis, c'est dans des milieux urbains, dans des milieux qui ne sont pas privés, là, c'est public. Puis, moi, je trouve ça très bien. Là où, des fois, je trouve ça difficile, c'est quand ça. Puis, ça rejoint le propos de notre metteur en nom. C'est quand ça intervient sur des surfaces privées, où là, tu n'as pas eu à donner ton consentement, puis tu te retrouves avec ça. Avec quelque chose qui est beau, des fois. Moi, je trouve ça beau chez moi. Mais j'ai pas eu le choix, c'est arrivé chez nous. C'est parce que j'ai une ouverture d'esprit que je les ai acceptés. Oui, je pense que quand tu habites en ville, faut que tu lâches prise à un moment donné. Tu sais, t'es en communauté, il y a plein d'éléments autour de toi. Puis, c'est sûr que le graffiti, c'est facilement ciblable. T'sais, on peut voir, ah, il y a un tag, il y a des lettres, je les reconnais, c'est chez nous. Mais moi, c'est quelque chose qui me dérange pas tant que ça. Autant que le bruit, les motos qui font du bruit, les chars qui puent, les drocs. Pour moi, tout ça, c'est du vandalisme. C'est l'équivalent d'un tag. C'est Fait que je vois pas c'est quoi... Pourquoi l'acharnement sur mon petit pied carré où il y a un tag quand... C'est ça. Pour moi, il y a des équivalents partout. Puis, on est en communauté. Puis... Ben, je comprends très bien ce que tu dis parce que pour moi, ça fait partie de mon univers. Mm. J'accepte de vivre dans Saint-Jean-Baptiste. Ben, il y a des bonnes chances que je me fasse barbouiller une couple de fois puis que ça arrive. Puis on va vivre avec ça. Puis on vit avec ça. Mm. Ça fait partie de mon univers. Mais c'est pas toujours ce que mes voisins, je dirais, conçoivent. Il y a aussi une forme de est-ce qu'il y a une forme de comment? Je dirais pas de compétition, mais tu sais, il y a quelqu'un qui fait quelque chose sur un mur, quelqu'un d'autre va faire quelque chose par-dessus. Est-ce qu'il y a de ça aussi dans le graphe? Il y en a. Pour aller chercher la notoriété, souvent, il y en a qui vont essayer de passer par-dessus des pièces qui sont bien, puis ils vont essayer de faire mieux pour prendre cet espace de publicitaire-là, si tu veux. Mm-hmm. C'est vraiment ça. Donc, on passe par-dessus ou pour tout simplement pour afficher son désaccord avec le style de quelqu'un, on va tout simplement le barbouiller puis dire « c'est pas ton affaire, je m'en viens bientôt, c'est moi qui vais passer là, il y a toute une culture derrière ça. Comment tu fais? Tu me dis, là, quelqu'un va dire, ben là, je suis pas d'accord avec ce qui a été écrit là, c'est poche. Il y a donc une culture derrière ça. Il y a un langage. Où est-ce qu'on peut trouver ça? Sur Internet, par exemple? Non, je pense que c'est une espèce de loi de la jungle, si tu veux, mais par le nombre. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est calculable de par les interventions d'une personne. C'est quelqu'un qui va être vu le plus possible en ville, va avoir de la notoriété. Donc, c'est pas quelqu'un à qui tu peux facilement t'en prendre puis dire, toi, je passe par-dessus tes trucs. Il y avait une espèce de TL, si je me rappelle bien, dans Saint-Jean-Baptiste, à un moment donné, là, il me semble qu'il y avait un T et un L. Là, dans... oui. Puis là, lui, là, il a signé, je ne sais pas combien de maisons dans Saint-Jean-Baptiste. Ça devait être le king de la place, j'imagine. Ben, eux, tu vois... c'est des gens qui... Ah, c'est eux, ça? Ben, c'était un club. Donc, il y était 3-4 dans ce groupe-là. Puis, TL, justement, c'en était une personne. Puis, en fait, eux, oui, par le nombre, en faisaient énormément, mais il n'y avait pas de qualité dans leur travail. Jamais... Non, c'était cheap. C'est des gens qui taguaient, mais ils ne faisaient que ça. Donc, pas de graffiti, pas de mural, pas de graphes élaborés, pas nécessairement de talent artistique. Il y avait, c'est vraiment une attaque par le nombre. Donc, ben, tu sais, ça me faisait penser à quelqu'un qui va mettre un crochet sur quelque chose. C'est point, une marque. Tu sais, c'est point, puis d'être ça. Il n'y avait pas de valeur artistique. Moi, je ne trouvais pas qu'il y avait de valeur artistique. C'était comme une intervention qu'il faisait sur une bâtisse pour dire, ben regarde, ça, c'est moi qui l'ai fait. Point. Puis, bon, donc à ce moment-là, oui, lui va se permettre de passer par-dessus tout le monde. Puis, il est dans son droit parce qu'il prend le risque d'en faire énormément. Donc, c'est un jeu qui s'apprend en y participant, si on veut. Il n'y a pas de règle établie. Bien, Alex, je suis très content. Là, il nous reste, on s'en va en pause publicitaire. Je suis très content que tu sois passé pour un peu démystifier tout ça. Puis j'espère que Morgan Bridge, même si la galerie est fermée, que ça va continuer de vivre, là, parce que je trouve que c'est le fun que vous vous occupiez de ces jeunes-là. Bien, le lieu va continuer à exister, mais il va continuer à avoir de la diffusion, mais ça va être en mode autonome. Donc, il n'y aura plus de galeristes sur place. Les gens vont faire leurs expositions, ouvrir la place, puis... Bon, un espace de liberté. Exactement. 100%. Merci. Merci, Alex. Merci beaucoup. On s'en va en pause publicitaire, hein, genre, quand j'imagine. Puis au retour, ben on va avoir Valérie, je pense, non, Fanny. Au retour. C'est KRL. Québec. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez... Les aventuriers voyageurs présentent Guatemala, le festival roumain, Lidenfeld, une histoire d'amour, la marche à suivre, les pingouins de Madagascar, les 13e sommets du cinéma d'animation, la théorie de l'univers, les yeux jaunes du crocodile. Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes-annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Demain dès 17h30, écoutez l'émission en direct du Sacrilège, présentée au Sacrilège. C'est évident. Pour accompagner les récentes bordées de neige, quoi de mieux que de parler d'art textile? L'équipe de Bazar, des passionnés d'art et culture, vous font découvrir une discipline à mi-chemin entre les arts contemporains et l'objet utilitaire. Saviez-vous qu'il y avait un retour en force pour l'intérêt du fait main et des loisirs créatifs? Lisez Bazar et découvrez un monde stimulant et fertile. Disponible gratuitement chez plus de 300 partenaires participants de Québec et Lévis. Pour plus d'infos, bazar.qc.ca. Après un retour réussi l'an dernier, la Ligue d'improvisation musicale de Québec bat son plein pour la saison 2014-2015. Regroupant de talentueux musiciens issus de la scène musicale de la Ville de Québec, des matchs mensuels sont présentés au Cercle. Le 5 janvier, les Verts rencontrent les Jaunes. Pour plus d'informations, la constitution des équipes, des tirages et bien plus, retrouvez-nous sur Facebook. Spirafilm présente le 4 décembre l'événement Cours Spiracours. Au menu de cette soirée festive, des courts-métrages rafraîchissants, énergiques et surprenants, réalisés par des cinéastes de la Ville de Québec. En tout, 11 courts-métrages dont plusieurs ont été présentés au festival Off-Cours de Trouville en France. Le tout sera suivi d'une soirée où le réseautage côtoiera la danse avec un DJ invité. Cours Spiracours au Studio P, 226 rue Saint-Joseph-Est, le 4 décembre à 20h. Entrée 6$, spirafilm.com. CKRL 89.1, Québec. Fanon? Fanon. Quelle contraction épouvantable. Je mets ça sur le compte que t'es troublé par cette œuvre musicale qu'on vient d'entendre. Ben j'ai été troublé par l'œuvre aussi. Je l'ai vue deux fois. Mais là, donc on est là pour parler de Requiem for a Glacier. Mm-hmm. Je le prononce à la française, de Paul Wald, qui est à la Galerie des Arts Visuels, mm-hmm. qui est une œuvre magistrale, une installation vidéo et sonore. On vient d'entendre le chœur, en tout cas la chanteuse principale, la soliste. Mm-hmm. C'est une traduction en latin du communiqué annonçant le projet par le gouvernement fédéral. Alors je vais en parler, on va y aller un peu plus en profondeur. Ouais. Il s'agit là d'une œuvre engagée, profondément poétique, très puissante, qui vient nous chercher. On en parlait hors onde. C'est vraiment à voir absolument. Alors, c'est à la Galerie des Arts Visuels. C'est à la Galerie des Arts Visuels. Là, pour résumer, on va essayer de faire concis pour ensuite parler du fond et de la forme. Donc, si on parle de la forme, comme je l'ai dit, c'est une installation vidéo et sonore avec une œuvre sonore qui est entièrement composée par l'artiste, par Paul Wald, qui est en quatre mouvements, faite pour un orchestre et un chœur. Mm-hmm. Et ces quatre mouvements-là ont été composés à partir de plusieurs sources. Alors je rentrerai pas dans le détail de ces sources-là parce qu'elles sont dans le feuillet explicatif. Très rapidement, ça passe du rapport à la fluctuation de température, en évoquant les changements climatiques et évidemment c'est en lien avec les lettres Jumbo. Vous allez comprendre pourquoi ces lettres Jumbo, parce que il s'agit de la chaîne de glaciers Jumbo qui est en Colombie-Britannique. Mm-hmm. Et il s'agit d'une cinquantaine de musiciens et de choristes qui se sont déplacés, une équipe à peu près d'une centaine de personnes qui s'est déplacée sur le glacier Farnham, qui est dans cette chaîne de glaciers Jumbo. Et qui était l'objet d'un projet de développement domiciliaire et d'une station de ski dans un milieu naturel de très grande valeur. Alors ce projet-là, effectivement, il a été monté en prospection dans les recherches mm-hmm. personnelles de Paul Wald sur les conséquences du réchauffement climatique, et évidemment, il conteste et dénonce le projet Jumbo Glacier Resort qui prévoit un énorme complexe immobilier, une station de ski au pied même de la chaîne de glaciers Jumbo, et ce glacier Farnham est finalement le plus directement touché. Et on peut comprendre juste avec ces mots-là et par l'annonce du gouvernement provincial qui en a fait l'annonce en 2012 et qui prévoit un début de construction en 2015 pour une ouverture en 2016. On comprend juste avec ça qu'il y a un danger imminent pour cette chaîne de glaciers et pour l'environnement et évidemment pour l'équilibre, un équilibre planétaire. Et c'est au cœur d'un sujet qui nous touche personnellement, qui nous touche je sais pas comment on dit, au niveau de la planète. C'est un enjeu important, la place des glaciers dans le réchauffement de la planète et tout ça. Les glaciers ont un rôle vraiment important. Et là, on va faire un centre de ski alors qu'il y en a déjà plein dans l'Ouest canadien. C'est pas nécessaire d'avoir ça. Alors, cette œuvre-là, elle dénonce cette construction-là de manière magistrale. C'est ça. Pour revenir à l'œuvre elle-même. C'est parce que le ton, c'est pas un ton revendicateur, c'est un ton magnifiant. C'est une prière, c'est un cri du cœur, c'est un cri d'amour aussi pour le glacier. Il le dit à maintes et maintes reprises. C'est une musique, une œuvre sonore, et puis une œuvre qui a été composée, qui a été créée pour le glacier. Et les musiciens sur place n'avaient pas d'auditoire, ils étaient là pour le glacier. D'ailleurs, vous le verrez, allez voir le vidéo, c'est absolument extraordinaire de voir tous ces musiciens amateurs et professionnels qui étaient bénévoles pour ce projet-là. Mmh. Ça commence à 12 ans, on a une jeune soliste de 12 ans jusqu'à des musiciens professionnels qui sont sur place, les pieds dans la neige, au milieu de cette étendue magnifique, immense, le jeu des couleurs, la petitesse de ces hommes-là, de cette poignée d'hommes-là, d'hommes et de femmes qui sont là, qui jouent au milieu de cette immensité qu'on est en train, si vulnérable en même temps, elle est immense mais vulnérable aux mains de nous, les hommes, qui sommes en train de l'abîmer. Il y a quelque chose de tellement grandiose, dans le sens où c'est quand on transporte ça à l'échelle de la planète, tu sais, l'humain a tellement peu de place en termes d'espace, tu sais, on n'est pas nombreux par rapport à la superficie de la planète, et on est capable de tout scraper ça, et c'est un peu ça que eux font. Ils disent non, nous on va magnifier ça, on va rendre ça grandiose, on va rendre ça beau. Et c'est ça qui est important. Et moi, je trouve que c'est très bien rendu. Puis c'est pas dénoncé. Il n'y a pas de dénonciation là-dedans. C'est juste quelque chose comme quand tu entends ça sur ce glacier-là, il y a quelque chose qui te porte vers quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est ça qui est la force de ce travail-là de Paul Walden. Oui, il y a une qualité autant sur la forme, donc on l'a dit, c'est une installation vidéo, c'est impeccable la présentation dans la galerie, c'est vraiment léché, c'est vraiment impeccable. Et sur le fond, évidemment, tout est construit. Je l'ai dit tantôt, la musique, chaque mouvement et en lien, a été construit en lien avec le rythme naturel du glacier, mais aussi en lien avec les changements climatiques, puis à partir des lettres Jumbo qui sont au cœur, on est au cœur de la chaîne de glaciers. Alors j'ai qu'un conseil à donner pour terminer. Allez voir cette œuvre-là, c'est un incontournable. C'est absolument splendide. Allez avec vos enfants, allez-y seul et retournez-y. Oui, puis il faut prendre le temps. Si on est chanceux, là, ça dure 40 minutes. Et si on prend ça dès le début, malheureusement, on ne sait pas trop. Ça, c'est le côté que je... On ne sait pas trop quand est-ce qu'on arrive. Moi, je m'étais informé, puis là, j'ai su que ça commençait à telle heure. Le voir, c'est 40 minutes de pur, non pas bonheur, mais de pure inspiration, d'élévation de soi. On sort de là avec un grand respect de la nature et surtout avec une œuvre sonore qui nous a transportés. Parce que c'est ça le travail de Paul, c'est de nous amener à voir ça du bon côté de la vie. Et c'est une belle expérience. Oui, je pense qu'avant avant d'embarquer sur les fêtes de Noël, ça nous sort du jingle bells. C'est pas mal conseillé. Ben, Fanny, merci beaucoup d'être passée. Et puis, on va se reprendre une prochaine. À bientôt. Ben, merci. Alors, on se laisse encore avec un autre petit bout de Paul Waldy, Requiem pour un glacier. Alors, on voit que c'était grandiose. Hein? Claude, bon, bienvenue Claude Bélanger. Bonjour. Eh, ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait un petit bout de temps, effectivement. Claude, qui est directeur général de Manif d'art, la Biennale de Québec. Oui. Vous avez dévoilé la semaine dernière, dans le cadre des grands prix vidérés de la Ville de Québec. Les prix d'excellence, désolé. Parce que les prix d'excellence, c'est oui. Les prix vidérés. C'est quoi les prix vidérés? Pourquoi vidérés? Ah, ben vidérés, c'est un... Auparavant, ces prix-là étaient donnés par par Vidéré en tant que tel. OK. Et c'est un organisme qui était un organisme de représentation au niveau des arts visuels. Puis l'organisme est mort de sa belle mort. Puis à l'Assemblée générale, ben, j'ai demandé est-ce que les prix demeurent et qu'on les rapatrie. Puis la manif d'art les aurait rapatriés. Ben vois-tu, moi, ça fait pas assez longtemps dans le milieu que je puisse parler de Vidéré. Alors, il y avait trois prix qui ont été donnés. Oui. Le prix de la relève en arts visuels. Oui. On est dans le domaine des arts visuels, évidemment. Bien oui. Geneviève Gasse. Oui. Alors, ben Geneviève Gasse, elle a présenté à la Galerie des arts visuels, justement, une expo. Puis qui, un peu déroutante. Un peu déroutante, effectivement, parce qu'on se retrouvait comme dans son appartement à l'intérieur de l'expo. Mm-hmm. Alors, puis on voyait où est-ce qu'elle faisait de la recherche et on voyait tous les éléments de sa recherche dans l'exposition. Alors, c'était assez particulier dans le sens que, oups, si tu fréquentais un peu l'espace, tu voyais que ça bougeait d'une fois à l'autre, ça se transformait, puis qu'il était vraiment dans son intimité. T'avais l'impression, si t'allais une couple de fois voir l'exposition, que t'avais l'impression que ça avait changé, parce qu'elle était venue, mais manifestement, on était comme dans son atelier. Effectivement, son atelier, même son appartement, là, d'une certaine façon. Donc, elle, c'est le prix pour la relève. Quand on dit relève, c'est des gens qui ont moins de 7 ans de pratique. Exactement. On a défini ça dernièrement, depuis quelques années, pour que ça soit plus clair pour tout le monde. Là, 7 ans de pratique et moins, ben, c'est la relève. Et 7 ans à 20 ans, c'est l'autre volet. Ben, ouais, t'as le prix Vidéré pour la création en art visuel qui est allé à Paryse Martin, qui est une championne. Paryse, qui a été mise en nomination souvent, je ne sais pas si elle a été mise en nomination souvent, mais qui n'a jamais eu de prix, à ma connaissance. Je pense qu'elle a été mise en nomination deux fois. Moi, mais je ne me rappelle pas qu'elle ait eu un prix, Paryse. Pourtant, c'est une artiste qui est, de grande expérience, mais qui est aussi très appréciée par les jeunes qui... Par la communauté. D'autant plus qu'elle enseigne. Alors, c'est sûr qu'elle a un certain nombre d'émules. Mais c'est ça, c'est intéressant parce qu'elle a tout de même une pratique qui est vraiment continue dans le temps, qui travaille un peu style rococo avec des interventions. Un côté un peu quétaine des fois. Je te laisse aller dans ce côté-là. Effectivement, elle peut aller jusque-là. Mm. Puis, mais elle a fait une présentation à l'œil de poisson vraiment très intéressante. Mm. Alors, on était heureux de lui donner un prix pour cette présentation-là. Puis, il y a le prix reconnaissance qui est allé à Jocelyn Gasse. Ça, c'est pour reconnaître la carrière. Oui, c'est... Ouais. Pour reconnaître l'ensemble de son œuvre d'une certaine façon. Moi, je disais à Patrick qui travaille chez vous par rapport au prix. Moi, j'ai fait un bon bout de travail dans le domaine des arts visuels et j'avais jamais vu le travail de Jocelyn. Ah, OK. Non. J'ai manqué son expo à la maison Amel Bruno. Puis en plus, il y avait une expo juste un peu après à Galerie Parenthèse qui faisait un peu la suite d'autres œuvres qui étaient présentées en même temps. Alors, c'était très intéressant de voir les deux volets et dans ce contexte-là, c'était pour le prix pour Amel Bruno qui a gagné le prix, mais surtout pour l'ensemble de son œuvre, dans le sens que il est là depuis un certain laps de temps et là, il est très pertinent. On parle d'une vingtaine d'années. Plus que ça. Alors, c'est ça, c'est qu'il a été vraiment très constant dans sa pratique. Il exposait beaucoup à l'extérieur. Il y avait un atelier à New York à un moment donné. C'est une personne qui est intense puis qui fait de la peinture vraiment intéressante. Mmh. Ben, en tout cas, c'était une belle année, encore une fois. Oui. On est très contents. Puis on va profiter du fait que tu sois ici, parce que j'ai reçu aujourd'hui une couple de communiqués de la manif qui parle d'un appel de projet. Oui. Et vous avez sélectionné... Ah, il y a eu quand même 35 artistes émergents qui ont postulé, puis vous en avez retenu 13. Oui. Ça, c'est des artistes... Sur le programme Première Ovation. Première Ovation. Art visuel, médiatique et métier d'art. Et ça, On dit beaucoup de choses sur notre mère ici à Québec, oui. Mais moi, je pense que la mesure de première ovation, c'est une mesure qui est importante. Oui. Parce que ça permet à des jeunes qui ont pas encore fait leur preuve d'avoir des premières expositions, des premiers projets. C'est oui. Premier, on parle, c'est de ça dont on parle ici. C'est de ça qu'on, oui. C'est vraiment intéressant comme projet. Et c'est vous, Manif d'Art, c'est nous qui s'occupons de ces trois volets-là. Mm. D'une certaine façon, il y en a d'autres. La musique est gérée par le Palais Montcalm, le théâtre, c'est géré par Premier acte, je pense. Exactement. Mm. Alors, il y a vraiment tous les volets sont couverts. Et l'intérêt, c'est ça, c'est de donner ces bourses-là à des jeunes artistes. Souvent, il faut les accompagner. Dans le sens que c'est comme la première fois qu'ils présentent leur dossier. Nous, on prend des notes vraiment sur qu'est-ce que le jury dit, quels sont les commentaires du jury, et si les artistes veulent savoir quels ont été les commentaires, on leur dit. Mais tu veux dire que pour ces prix-là, il faut que les jeunes s'inscrivent? C'est une demande de subvention, littéralement. C'est carrément une demande de subvention. Oui, effectivement. Donc, ça veut dire que les jeunes artistes, artistes-là qui ont fini ou qui ça fait 5-6 ans qu'ils ont fini, ils font une demande à la Manif d'Art pour avoir une bourse. Une bourse, oui, okay. Effectivement. On a plusieurs volets. Mm-hmm. Là, ils ne sont pas tous énumérés, mais il y en a 8, je crois. Okay. Et c'est tout de même intéressant, première exposition. Commissariat aussi. Il y a commissariat. Ça, je trouve ça intéressant. Oui. Ça a été défini, l'ensemble de ces programmes-là, ça a été défini avec le milieu. On a vraiment rassemblé l'ensemble des gens du milieu pour savoir quelles étaient les attentes, quels étaient les intérêts, puis qu'est-ce qui pouvait aider vraiment les jeunes artistes. Et c'est pour ça qu'on a réussi à développer ces 8 programmes-là. Et ça nous a permis justement de tomber assez pile, là, je veux dire, comme là, production-création, et ça attire beaucoup de monde. Post-production dernièrement pour cinéma, c'est vraiment intéressant. Moi, il y a un bout qui m'a touché, là, c'est le bout commissariat critique d'art. Tu sais. Oui. Et puis là, je me suis dit, ben oui. Ça fait partie de la vie artistique. Tu sais, un commissaire ou une commissaire, ça crée des œuvres d'art collectives. Tu sais, ça met en scène un certain nombre d'œuvres. Ça fait des choix d'œuvres. Effectivement, oui. Mm. Puis je pense que c'est important d'appuyer ça parce qu'à Québec, entre autres, il n'y a pas énormément de gens qui se dirigent dans ce domaine-là. Non. C'est un domaine qui est tout de même intéressant pour le marché muséal, pour l'ensemble des artistes du Québec même, d'avoir des commissaires qui choisissent des pièces puis qui montent des corpus, montent des expositions. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Et ça, les jurys, pour ça, c'est Manif d'Art qui regroupe du monde. Oui. Vous avez donc le mandat. On a un mandat de la ville de Québec. Vous avez donc des jurys pour chacun de ces prix-là ou vous avez une espèce de grand jury? C'est un jury composé d'une personne représentant les arts visuels, représentant le métier d'art, une personne représentant les arts visuels, le métier d'art, puis arts médiatiques. Arts médiatiques. Effectivement. Et il y a des... Moi, je présente les dossiers. Je suis très sobre, je n'interviens pas. C'est toi qui présente les dossiers. Okay. Par la suite, il y a des gens de la ville qui sont là pour superviser un peu, puis il y a des gens qui prennent des notes, etc. Alors, c'est quand même un champ qui est assez large, parce que quand on parle d'art visuel, d'art médiatique, puis de métier d'art, c'est trois univers. Même si on est dans le domaine des arts, tu sais, quelqu'un qui fait des arts, des métiers d'art. Les métiers d'art, c'est très loin des arts visuels. Ouais, ouais. Il y en c'est a qui font plusieurs ornementales, décoratifs, l'autre. Ouais. Puis t'es multidisciplinaire, mais ça, t'es carrément médiatique, t'es dans d'autres choses complètement. Complètement. Là. Mais on a des jurys qui sont assez clairs, puis qui ont une expertise très importante dans le domaine. Et ça permet justement d'avoir un point de vue vraiment éclairé par rapport à chacun des dossiers qui est présenté. Ben écoute. Merci d'être passé. Ça passe vite. Oui, je viens d'apprendre qu'on est rendu. Moi, j'étais habitué d'avoir un format de 2 heures. Ah, d'accord. Ben écoute, Claude, merci d'être passé. En passant, étais-tu allé faire un tour à Biennale à Montréal? Ben oui. Ouais, puis? Faut pas me demander ça. Moi, je suis là. Parce que j'ai hâte à la prochaine de Québec. Ah oui, ben moi aussi. C'est l'année prochaine. Oui. Hein, c'est ça, hein? C'est l'an prochain. On est ouais. 2016. 2016. Ouais. Donc, c'est pas l'année prochaine, c'est dans deux ans. Parce que c'est vrai, c'est l'été passé. C'est ça. Et ouais, mon Dieu, ouais, que ouais. Ça avait été. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la dernière. J'ai hâte d'accord. de voir la prochaine aussi. Bon, ben, j'étais étonné à Montréal. Je suis allé faire un tour à Montréal. Puis, j'avais, on avait connu Sylvie Fortin ici. Ben oui, oui, oui. Puis j'ai retrouvé sa signature. Effectivement, oui, oui. Ouais, ouais. Ben merci, Claude, d'être passé chez nous. Ben puis, merci. C'était bien agréable. Puis on se revoit très bientôt, j'espère. Parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Ce que vous entendez, c'est Geneviève et Mathieu, un duo mémorable. Puis je vous le dis pas ça à la blague, c'est vraiment, elle particulièrement, Geneviève, c'est quelque chose à voir. C'est tiré de leur disque Dansons dans la rue, puis je vous les ai fait jouer parce que ils vont être à l'œil de poisson, en spectacle. Attendez que je retrouve la date. Eh mon Dieu. Comment ça, j'ai pas... Ben là, j'ai pas la date. Oh merde! Mais c'est en fin de semaine prochaine, là. C'est le 6 ou le 8. C'est samedi soir prochain. Ils sont à l'œil de poisson samedi soir prochain en spectacle à 20h. Il faut aller voir ça. Vous allez avoir un plaisir fou. Donc, dès samedi. Il y a aussi en fin de semaine le Salon Nouveau Genre, samedi et dimanche, qui va se passer à l'église Saint-Jean-Baptiste. C'est rendu une tradition maintenant. Il y a aussi la semaine prochaine, mais je vous en parle maintenant parce que, pour que vous le mettiez dans la tête, il y a une vente de feu de Denis Morissette, un vernissage qui va avoir lieu au 300... dimanche prochain. Et l'exposition va commencer donc dimanche et ça va avoir lieu au 365 rue Saint-Jean. Et l'exposition est là pour un bon bout de temps. Vous avez le temps d'aller la voir, mais c'est un hommage que notre ami Pierre Bernier, le vélo Pierre, fait à Denis Morissette. Aussi, la semaine prochaine, il y a une vente d'ateliers de Carole Bayarjon qui va... Donc, j'imagine Julie va vous en reparler parce que Julie sera de retour la semaine prochaine. Donc, ça va se passer les 11, 12 et 13 septembre. Donc, jeudi, vendredi, samedi, à des heures un petit peu différentes. Mais généralement, ça part c'est pendant ces trois journées-là jusqu'à l'heure du souper, grosso modo. C'est sur le 291 rue Christophe Colomb. Mais vous avez l'occasion d'aller voir ça sur Internet. Et je vous rappelle aussi la tablée de Noël. Ça, c'est le party de Noël de l'œil de poisson qui va avoir lieu le 19 décembre prochain. Et là, l'œil de poisson, c'est toujours un party assez inoubliable. Donc, si vous avez le goût de venir faire un tour, ça va être à compter de 18h le 19 décembre prochain. C'est 30$ pour ceux qui sont membres, 35$ pour ceux qui sont pas membres, comme moi. Je suis pas membre, mais je suis un adepte de l'œil de poisson. C'est certain que je vais être présent. Et je vous dis merci d'avoir été avec nous encore cette semaine. La semaine prochaine, ben, c'est Julie Gagné qui va être de retour à ce micro. Julie qui a pris la relève de l'aérospatiale et qui maintient cette émission fort importante dans le domaine des arts visuels. Vous savez, c'est les arts visuels, pour moi, c'est même si j'ai quitté un peu, je suis dans le domaine de l'art sonore maintenant, mais les arts visuels à Québec, c'est un chantier fort important où il y a une grande quantité d'artistes, tant d'expérience que de jeunes artistes qui s'y impliquent. Alors moi, je vous dis, continuez de nous écouter, continuez de suivre les activités des arts visuels et continuez d'écouter ZKRL aussi, parce que c'est la radio qui vous permet justement d'être à l'heure au côté culturel. Alors merci Jacques, à la prochaine, bye bye.